Les rallos. Ça manque fait pour ça. Gardez-y, laissez-y aller. Les rallos. Ça manque fait pour ça. Gardez-y, laissez-y aller. L'homme au cas passé, l'homme au cas passé, mon cas tenté, wacha wacha. L'homme au cas passé, mon cas tenté, wounou wounou. Ça manque fait pour ça, gardez, laissez aller. Les rallos. L'homme au cas passé, mon cas tenté, wishi wishi. Wacha wacha. Ça m'occupe de tout ça, gardez, laissez aller. A pied au tendé, a pied mais pas crassé, a pied de sa pied, a pied mais pas si tôt pas coulé. Oh tcha tcha piti la chan, piti la chan go tcha tcha. Oh tcha tcha piti la chan, piti la chan go tcha tcha. A pied au tendé, ¡Vamos! puisque c'est l'idée. Vous voyez joindre tout ça ou même. Mange mal ou prends mal, pas bayou. Mais pas tout cheval complet grilla. Comme hélas, nous savons que la vie. Je remplis plein de macaquerie. Les autres noms, c'est qu'on s'adapte. Pour femme toujours mal récompensée. Allez, bourreau, le caillou. Aida. Pamela, Pamela, why you go, why you come back? Pamela, Pamela, Sina Lena with you now. Pamela, Pamela, why you go, why you come back? Pamela, Pamela, Siwa Lewa with you now. Pamela, Pamela, Pamela, where you go, where you come back? Pamela, Pamela, si wa le wa wituné. Ça s'agrive, mon makeneye pour la popana. Je m'en